Chapitre 10 Les hauts fourneaux de l'archange Raphaël. Hansel se retrouva au sortir de cette galerie sur les flancs d'un volcan dont la mer baignait les pieds. « Voici un de nos fourneaux, » dit Raphaël en montrant le cratère d'où s'échappaient des flammes. « Nous en avons 300 actuellement en ignition à la surface de la terre, et cela nous suffit largement. » Il n'en sera plus de même dans 2 ou 3 siècles. Le charbon et le fer seront si recherchés que je vais dès à présent augmenter le nombre de mes dépôts. Le sol tremblait, les détonations se succédaient sans interruption, le gaz s'échappait du fond du cratère à travers la lave en fusion. La vapeur d'eau, sous forme de bulles énormes, tournoyait au-dessus du foyer, lui empruntant des reflets métalliques. Le vent entraînait ces nuages aussitôt remplacés. Des éclairs incessants marbraient de feu le ciel noir, tandis que des cendres rougies, des flammèches légères tourbillonnaient, mises en danse par les spirales de vapeur. Un grondement souterrain, plus violent que les précédents, appela l'attention de Raphaël. Une coulée se prépare. Dans quelques minutes, elle fera éruption. En effet, peu d'instants après, le sommet de la montagne se fendit. Une détonation épouvantable accompagna le déchirement du cratère. Des quartiers de roches, des scories sans nombre, des gerbes de flammes et d'étincelles, des tourbillons de cendres furent projetés au dehors du cône. Un torrent d'argent en fusion bondit de rocher en rocher, jusqu'à ce que, arrêté par une vallée profonde, il l'eût comblé. En même temps, sur le versant opposé, un large fleuve d'or liquide roulait majestueusement, éclaboussant ses rives de lingots précieux. Une détonation plus violente encore que la première annonça une éruption nouvelle. Des gerbes de pierreries s'élevèrent dans les airs à une hauteur prodigieuse, retombèrent en grêlons serrés sur les flancs de la montagne et roulèrent jusqu'à sa base. Un geste d'Emmanuel fit accourir de toutes parts des travailleurs. On ne les eût pas comptés milliers par milliers en un siècle, assurément. Chacun d'eux tenait une corbeille. Ceux-ci ramassaient des saphirs, ceux-là les émeraudes, d'autres les opales et les diamants. Bientôt s'élevèrent autant de collines qu'il y avait de variétés de pierres précieuses. Puis, ce tri achevé, la terre s'entr'ouvrit et engloutit ses trésors pour les rendre, parcelle par parcelle, à l'heure désignée, aux hommes prédestinés. Elle s'imprégna d'or et d'argent. Elle but fleuves, lacs et torrents, puis, gonflée de richesses, elle se reposa comme un monstre repu qui fait la sieste. L'enfant étendit la main. Peu à peu, les grondements cessèrent. Un vent doux balaya les nuages, la lune brilla de nouveau, le sol cessa de frissonner, les oiseaux reprirent leurs chansons interrompues, et les fleurs, que le sculpteur n'avait pas distingué jusque-là, se mirent à embaumer de plus belle. Une gondole d'ambre niellée d'argent, fine, élégante, se balançait sur la rive. Une étoile brillait à l'avant. L'enfant, Raphaël et Hansel prirent place dans l'embarcation. Bien qu'aucun équipage ne la dirigeât, elle partit et arriva presque aussitôt à l'entrée d'une caverne du plus étrange aspect.